j'ai pas envie d'écrire un tube qui passe à la radio. Je veux pas du même parcours que Trio. Je veux pas devenir major de promo chez Sony. Je fais de la musique et c'est pas pour le fric. Je ne crache pas dessus, c'est le nerf de la guerre. Mais j'ai déjà un travail alimentaire, alors je fais mon wifi au coin du feu. Avec ma guitare et mon air débile. Je ne peux pas jouer avec le feu. Je veux juste imposer mon style. Et ça, même si je chante faux. Les enjeux.